Les vice-présidents du comité central du Parti Travail de Corée, Kim Gi-nam, Choi Tae-bok, Kim Pyong-hae et Oh Soo-yong, et d'autres cadres responsables du comité central du parti, ont visité le 12 avril les résidences des délégués qui vont participer aux cérémonies consacrées à la Journée du Soleil pour ainsi les féliciter.